désert connaît ton nom, et moi j'ai reconnu ton odeur. Y'avait ce petit clan qui montait le ton, fermait sa base à triple fond. Mais j'suis passé de nuit le silence dans les beautés. J'ai compté chaque loup de leur coffre en stock. Tu peux cadenasser l'acier, mais par l'odeur de la peur dans l'air, un feu c'est un chien. J'apprécie que vous êtes tous là derrière. Chaleur et poussière, des balles et des prières. T'as farmé toute la semaine, mais je suis le voleur que la nuit ramène. T'as mis ton cœur dans chaque plan, mais t'as pas vu venir l'ancien. Russe, pardonne pas les rêveurs, juste ceux qui tirent les premiers à l'heure. Que tu saches que je suis passé par là. Chaleur et poussière, plus rien dans ta cuisinière. T'as rêvé d'une paix passagère, mais c'est moi l'orage dans l'arrière-pièce. Ton histoire s'arrête à mon pas.